إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le sujet de cette conférence a pour titre « Conseil aux convertis à l'islam ». Convertis, hommes et femmes bien sûr. Parce que, walillah alhamd, les convertis à l'islam sont de plus en plus nombreux, quel que soit le pays dans lequel il se trouve, les convertis ne font que s'accroître jour après jour, mois après mois, année après année. Cela est un fait constaté et cela nous prouve la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jal est capable de toutes choses. Allah azza wa jal fait en sorte que de plus en plus de personnes embrassent l'islam, se convertissent à cette seule et unique religion agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que proportionnellement les attaques qui visent l'islam, les stratagèmes qui ont pour but d'affaiblir l'islam et les musulmans, accroît eux aussi. Mais comme l'a dit Allah Azza wa Jal, يُرِيدُونَ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. Et ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais Allah fait en sorte que sa lumière persiste, n'en déplaise aux mécréants. Parce que les convertis, hommes et femmes, sont de plus en plus nombreux, ils ont besoin que des directives leur soient données. Ils ont besoin que des conseils leur soient apportés, des conseils qui prennent en compte leur situation, leur particularité, le fait que leur entourage n'est pas un entourage musulman et découle de cela de nombreuses conséquences, de nombreuses questions auxquelles les convertis cherchent réponse. Avant de diriger ces conseils, on se doit de connaître tout d'abord la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec les convertis à l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam avait tout d'abord un désir ardent et une grande ferveur dans le fait que les gens se convertissent à l'islam, que les non-musulmans embrassent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam avait une immense envie que les gens entrent en islam en grand nombre. Et cela le peinait, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque des gens persistaient dans leur mécréance. Allah Azza wa Jal nous cite cela dans le Coran. Dans Sourate Ash-Shu'ara, Allah Azza wa Jal dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin » Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-Kahf, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. En sourate les poètes, Allah Azza wa Jal s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. Et dans le verset de la caverne, Allah Azza wa Jal dit, tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. Combien de larmes a versé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il avait ce désir ardent que sa communauté sallallahu alayhi wa sallam soit sur le droit chemin. Et lorsque l'on parle, hamoukallah, de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'il y a deux sortes de communautés. Il y a ummatu al-ijaba wa ummatu al-da'wa. La communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a ceux qui ont répondu à l'appel et il y a ceux vers qui l'appel est dirigé. Par exemple, les juifs et les chrétiens qui vivent à notre époque, font-ils partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ? Oui, mais la communauté vers qui l'appel est dirigé. Quant aux musulmans, ceux qui ont répondu à l'appel de l'islam, à l'appel d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, ils font partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ummatu al-ijaba, ceux qui ont répondu à l'appel. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, comme le rapporte l'imam Muslim dans son sahih, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité la parole d'Allah azza wa jal, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité la parole d'Allah azza wa jal dans sourate Ibrahim, ô mon Seigneur, elles ont égaré beaucoup de gens, en parlant ici des idoles. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur, le tout, le très miséricordieux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains et a dit « Ô Allah, ma communauté, ô Allah, ma communauté !» Puis il s'est mis à pleurer sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal a dit « Ô Jibril, rends-toi chez Muhammad et ton Seigneur est celui qui connaît toutes choses. Rends-toi chez Muhammad et demande-lui ce qui le fait pleurer. » Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a posé la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu. Puis Allah azza wa jalla dit « Ô Jibril, retourne chez Muhammad et dis « Inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk » et dis-lui « Nous allons te satisfaire par ta communauté et tu ne seras pas mécontent. » Ainsi donc était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait ce souci vis-à-vis de sa communauté pour que ceux de Ummatu Da'wa qui n'avait pas répondu à l'appel y répondent, et il avait le souci également de ceux qui étaient musulmans afin qu'ils suivent le droit chemin. De la même façon, le prophète alayhi salatu wassalam exprimait sa joie et son bonheur lorsque une personne embrassait l'islam, lorsqu'une personne proclamait sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait sallallahu alayhi wa sallam: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. Prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: par celui qui détient l'âme de Muhammad entre ses mains, j'espère que vous serez la moitié des gens du paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam était extrêmement heureux de la conversion de Ad ibn Hatim et de la conversion de Ikrima ibn Abi Jahl radiyallahu anhuma. Il disait sallallahu alayhi wasallam: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. طوبى, qui est un arbre du paradis, à celui qui est guidé à l'islam, puis connaît une vie dans laquelle il répond et subvient à ses besoins et se contente de ce qu'il a. Et dans le hadith de Anas ibn Malik, que vous connaissez tous, le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih: lorsqu'un enfant juif qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade, le prophète alayhi salatu wa sallam est parti lui rendre visite. Il s'est assis sallallahu alayhi wa sallam au niveau de sa tête, puis lui a dit: convertis-toi à l'islam, embrasse l'islam. Cet enfant a regardé en direction de son père qui était à ses côtés, et son père lui a dit: Atri' Abul Qasim, obéis à Abul Qasim, qui était la kunya du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et entre parenthèses, la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le seul à pouvoir la détenir. Comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Tasammaou bismi wa la takannaou bikunyati. Appelez-vous par mon nom, mais ne prenez pas ma kunya. Donc la kunya de Abu al-Qasim est propre au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Obéis à Abu al-Qasim, lui dit son père. Il s'est alors converti à l'islam, a proclamé les deux attestations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui en disant: Alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar. Louange à Allah qui l'a préservé de l'enfer. Et dans la version d'Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi minan nar. Louange à Allah qui, par ma cause, l'a préservé de l'enfer. Ce qui montre également la grande ferveur qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au fait que les gens embrassent l'islam, ce par quoi l'a qualifié Allah azza wa jal dans sourate Al-Ma'idah, dans sourate Al-Tawbah afwan, où Allah azza wa jal dit: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, à vous auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein d'attention à votre égard et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Ainsi était le prophète alayhi salatu wassalam. Pesait lourd pour lui les difficultés que sa communauté subissait. C'est-à-dire que lorsqu'il subissait un mal, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam éprouvait de la douleur également pour eux. Il était plein d'attention à leur égard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait pour sa communauté le bien et faisait en sorte de leur apporter ce bien. De la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait pour eux le mal et faisait en sorte de les éloigner de celui-ci. Bil mu'minin ra'ufur rahim. Il était sallallahu alayhi wa sallam compatissant et miséricordieux envers les croyants. Le prophète alayhi salatu wa sallam, parce qu'il avait cette attention et cette affection et ce désir ardent que les gens embrassent l'islam, n'hésitez pas à invoquer Allah Azzawajal pour guider un tel et un tel. Dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Allah, Allahumma a'izz al-Islam bi ahabbi hadhayni ar-rajulayni ilayk bi Abi Jahl aw bi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Allah, renforce l'islam par celui de ces deux hommes qui est le plus aimé chez toi, par Abu Jahl ou par Omar ibn al-Khattab. » Ceci était la première invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis par la suite, le prophète alayhi salatu wa sallam a invoqué cette même invocation mais l'a consacré uniquement et spécialement à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Le premier hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'Abu Jahl et de Omar ibn al-Khattab est le hadith d'Abdullah ibn Abbas rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan. L'autre hadith est le hadith de Aisha radiyallahu anha rapporté par l'imam ibn Majah dans ses Sunan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allahumma a'izza l'islam bi'umar ibn al-Khattab khassa. » « Oh Allah, renforce l'islam par Omar ibn al-Khattab de façon particulière. » Le prophète alayhi salatu wa sallam aidait les convertis à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'hésitait pas à leur annoncer les bonnes nouvelles. Dans le hadith de Amr ibn al-As radiyallahu anhu, et le hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, lorsque Amr ibn al-As radiyallahu anhu était sur le lit de mort, il pleura beaucoup radiyallahu anhu. Et tournait son visage vers le mur, et son fils lui disait « Ô père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne t'a-t-il pas annoncé la bonne nouvelle de telle et de telle chose ? Ne t'a-t-il pas annoncé la bonne nouvelle de telle et de telle chose ?» Puis Amr ibn al-As radiyallahu anhu s'est dirigé vers son fils et lui a dit « La meilleure des choses que nous préparons, que nous puissions préparer est l'attestation que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Quant à moi, » donc ici c'est Amr ibn al-As radiyallahu anhu qui raconte à son fils « Quant à moi, j'ai traversé trois étapes. Si tu m'avais vu, il n'y avait pas une personne qui détestait plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que moi. Et il n'y avait pas une personne qui souhaitait le plus, s'il en avait l'occasion, de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si j'étais mort dans cette situation, je ferais partie des gens de l'enfer. Puis, lorsqu'Allah Azza wa Jal a fait pénétrer l'islam dans mon cœur, je suis parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je lui ai dit, tends-moi ta main droite afin que je te prête allégeance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors tendu sa main droite, puis Amr ibn al-As radiallahu anhu dit, puis j'ai enlevé ma main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, malaka ya Amr, qu'as-tu ô Amr? J'ai répondu, je veux poser ma condition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tashtaritu bimada, quelle est ta condition? Il voulait poser une condition avant de proclamer son islam. Il a répondu, radiallahu an, qultu an yughfar li, ma condition est que mes péchés, tous mes péchés soient pardonnés. Car il savait, radiallahu an, à quel point il était dans la mécréance, il était ancré dans la mécréance au point de détester énormément le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que si l'occasion lui était possible, eh bien qu'il n'hésiterait pas à tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela que Amr ibn al-As radiallahu anhu a voulu avoir la certitude qu'en se convertissant à l'islam, qu'Allah Azza wa Jal lui pardonnerait l'ensemble de ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Ama alimta anna l'islam yahdimu ma qablah, wa anna l'hijrata tahdimu ma qablaha, wa anna l'hajj yahdimu ma qablah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Ne sais-tu pas, ô Amr, que l'islam anéantit ce qui le précède, que la hijra anéantit ce qui la précède, et que le pèlerinage anéantit ce qui le précède. » Puis le hadith d'Amr al-As radiallahu anhu est assez long lorsqu'il dit par la suite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu la personne la plus aimée chez lui, et que c'était la personne envers qui il avait le plus d'estime, et il estimait tant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit Amr ibn al-As, que si l'on lui demandait de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de décrire physiquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en serait incapable, car il estimait tant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne pouvait le regarder longtemps. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'hésite pas à annoncer les bonnes nouvelles. De la même façon, le prophète alayhi salatu wa sallam n'hésitait pas à aider les convertis à l'islam par ses biens sallallahu alayhi wa sallam et par le bon comportement. Ceci afin de les renforcer dans leur islam et afin qu'ils soient fermes et ancrés dans cette religion. Dans le hadith de Anas, il dit « Ma su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala l'islam shay'an illa a'tah. Qala faja'a rajulun fa'a'tahu ghanaman bayna jabalayn. Faraja'a ila qawmih. Faqala ya qawm aslimu. فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. Dans le hadith de Muslim, hadith de Anas radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été, on ne lui a pas demandé une chose par l'islam sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la donne. Un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a donné un troupeau d'ovins qui était entre deux montagnes. L'homme est retourné vers son peuple et a dit « Ô peuple, embrassez l'islam, car Muhammad donne d'une façon abondante, il n'a pas peur de la pauvreté. » Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il donnait comme celui qui donne, ne redoutant pas la pauvreté. Anas, radiallahu anhu, dit qu'il était possible qu'un homme se convertisse pour la dunya. Mais lorsque l'islam pénètre son cœur, alors l'islam est meilleur pour lui que cette terre et tout ce qu'elle contient. C'est-à-dire qu'il était possible qu'un homme vienne se convertir pour un but mondain, pour un bénéfice matériel. Son intention n'est au début pas bonne. Mais lorsque la lumière de l'islam pénètre son cœur, lorsque sa poitrine connaît la douceur de la foi, c'est alors que l'islam devient pour ce musulman bien plus cher à ses yeux que cette vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient. Le prophète alayhi salatu wassalam donnait également à ceux qui étaient hésitants ou à ceux dont la foi était faible. Et dans l'histoire connue rapportée par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une bataille, a donné la majeure partie du butin à des musulmans parmi Quraysh. Et ceci avait peiné quelques personnes parmi l'Ansar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a justifié cela en disant « Inni u'ti Quraishan ata'allafuhum li'annahum hadithu ahdin bijahiliyah. » Je donne à Quraish dans le but qu'ils soient satisfaits car ils sortent fraîchement de la période anti-islamique. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Ansar afin de les consoler et de leur montrer que ce qu'ils ont en leur possession ou auprès d'eux est meilleur que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « N'êtes-vous pas satisfait qu'ils repartent avec des biens et que vous vous retourniez chez vous avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en votre compagnie ?» Ils ont dit « Bien sûr, ô envoyé d'Allah. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait même des concessions lorsqu'il s'agissait d'une conversion à l'islam. Il y a de nombreux hadiths à ce sujet. Tout d'abord, la parole de Wahb qui dit j'ai demandé à Jabir radiallahu anhu au sujet de Thaqif qui avait prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tribu de Thaqif qui est une tribu qui se trouve à Taif et aux alentours de Taif. Taif qui est à peu près une 90 km de la Mecque, à peu près. Et ils sont venus en grand nombre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Wahb a demandé à Jabir radiallahu anhu au sujet de Thaqif, de la tribu de Thaqif, qui est venu prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jabir a dit que la tribu de Thaqif ont posé leurs conditions. Et leurs conditions étaient qu'ils ne donnaient pas d'aumône et qu'ils ne faisaient pas de jihad. Et il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Sayatasaddaquna wa yujahiduna idha aslamu » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté leur islam malgré ces conditions. Et Jabir radiallahu anhu a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ils donneront les aumônes et ils combattront dans le sentier d'Allah lorsqu'ils seront convertis. » Dans le hadith de Anas, apporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et authentifié par Cheikh l'Albani, rahimahullah, un homme est venu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme, « Aslim, embrasse l'islam. » L'homme a dit, « Je me sens contraint. Je me sens contraint. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, « Aslim wa in kunta kariha. » Embrasse l'islam même si tu es contraint. Les savants l'ont déduit de la véracité, de l'authenticité de l'islam, de celui qui se convertit par la contrainte. Et selon Nasr ibn Asim, et le hadith est rapporté par l'imam Ahmed également et authentifié par Cheikh l'Albani, rahimahullah, Nasr ibn Asim rapporte qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se convertir à l'islam en posant une condition. Quelle était sa condition ? De n'accomplir que deux prières par jour. De n'accomplir que deux prières par jour. فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cela de lui. L'imam al-Shawkani rahimahullah dit que ces hadiths prouvent qu'il est autorisé de prêter allégeance à un non-musulman et d'accepter son islam même si il pose une condition nulle. Et Al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah, a dit, et il est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait tous ceux qui venaient à lui pour entrer en islam après avoir attesté des deux attestations. Donc lorsqu'une personne venait attester les deux attestations que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était l'envoyé d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam considérait cela uniquement comme un moyen d'embrasser l'islam, sans prêter attention aux autres choses. Et nul doute que celui qui s'est converti avec des manquements est meilleur pour lui que de persister dans la mécréance. Ainsi était le prophète alayhi salatu wassalam envers les convertis. Quels sont les conseils que l'on peut donner à ceux qui se convertissent à l'islam ? Tout d'abord, lorsqu'ils se convertissent, on doit les enjoindre à se laver, à faire le ghusl, Il y a plusieurs hadiths à ce sujet. Le premier hadith est le hadith de Qais ibn Asim, radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Lorsqu'il s'est converti à l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de se laver avec de l'eau et du jujubier. Bima'in wa sidr. Donc il est recommandé à celui qui se convertit, et il y a une divergence des savants sur l'obligation de ce lavage ou son caractère préférentiel. À la kulli hal, comme je le dis souvent, l'on doit avoir le réflexe. Lorsque une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parvient, de la mettre en pratique et de ne pas avoir cet automatisme et de répondre oui, mais est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est recommandé? Allah Azza wa Jalla a dit: Wa ma atakum rasulu fakhudhu. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous apporte, prenez-le. C'est ce réflexe que l'on doit avoir, de dire sami'na wa ata'na, nous avons entendu et nous obéissons. Ensuite, si pour une raison ou une autre tu n'as pas pu faire cette sunna, ou si une situation s'est présentée à toi et t'amène à te poser la question sur cette sunna que tu as mis en pratique du professeur sallam, est-ce une obligation ou une recommandation? Dans ce cas, oui, il est pour toi utile de savoir si elle est obligatoire ou non. Mais lorsque tu apprends, lorsque l'on t'enseigne une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, efforce-toi de la mettre en pratique de façon inconditionnelle. L'autre preuve est le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses sunan et authentifié par Cheikh Al-Albani, qui est l'histoire de Thumama ibn Uthal. Thumama ibn Uthal, radiyallahu anhu. Son histoire est longue, je vous la résume. Thumama ibn Uthal était le chef de la tribu de Hanif. Il a été fait prisonnier par des cavaliers du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui revenaient d'une bataille. Et Thumama ibn Uthal avait tué des musulmans. Et lui était en route pour accomplir une umrah. Car les polythéistes à l'époque faisaient le hajj et la umrah, mais conformément à leur polythéisme. Il fut capturé par ses cavaliers du prophète alayhi salatu wassalam. Ils l'ont apporté à Médine et l'ont attaché à l'un des piliers de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et entre parenthèses, les savants l'ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé à un non-musulman d'entrer dans une mosquée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré et a dit: savez-vous qui avez-vous capturé? C'est Thumama ibn Uthal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le connaissait. Il a ordonné à ses compagnons, radiyallahu anhum, de prendre soin de ce prisonnier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que l'on lui donne le lait de sa chamelle le matin et le soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: que proposes-tu, ô Thumama? Il a répondu: soit tu me tues et mon sang te coûtera cher, car c'était le chef de sa tribu. Et si le professeur Hassan le tuait, eh bien, il risquait de faire face et de répondre du prix du sang que lui demanderait sa tribu. Soit tu me lâches et cela, je t'en serai reconnaissant. Ou soit tu veux des biens, demande-moi ce que tu veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé ainsi. Il ne lui a pas répondu. Le deuxième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, que proposes-tu au Thumama? Il a répondu, je te propose les trois choses que je te proposais hier. Le troisième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que proposes-tu au Thumama? Il a répondu la même chose et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de le libérer. Il a pris sa chamelle et parti dans des palmiers à proximité de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est lavé, puis est revenu vers le prophète alayhi salatu wa sallam et a proclamé son islam. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas un visage plus détesté chez moi que le tien. Il est aujourd'hui celui que j'aime le plus. Il n'y avait pas une religion plus détestée chez moi que la tienne. Elle est maintenant la religion la plus aimée chez moi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, « Idhhabu bihi ila ha'iti bani fulan, famuruhu an yartasil. » Apportez-le vers la maison des fils d'un tel et ordonnez-lui de se laver. Et ordonnez-lui de se laver. Et l'on verra également, à la suite de cette histoire de Thumama, dans un autre sujet, que l'on déduit une autre chose de l'histoire de Thumama ibn Uthal, radiyallahu ta'ala anhu. Également, ce qui est recommandé, c'est de se raser les cheveux. Et la preuve est le hadith de Uthaym ibn Kulayb, selon son père, selon son grand-père, qu'il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit « Qad aslamt, je me suis converti à l'islam ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Alqi anka sha'ra al-kufr wa khtatin. Débarrasse-toi des cheveux de la mécréance et circoncis-toi. » Et c'est la troisième chose qui est demandée aux convertis. De se raser les cheveux, les savants ont divergé sur les cheveux de la mécréance. Certains savants ont dit ce sont les cheveux qui ont une forme des cheveux qui ont la forme des cheveux des mécréants, qu'on a laissé pousser de telle sorte qu'ils ressemblent à la chevelure des non-musulmans, comme par exemple des hindous ou autres qui laissent une mèche de leurs cheveux qu'ils ne coupent jamais. Ils vont couper, raccourcir les autres endroits de leur tête, mais il y a une mèche qu'ils laisseront particulièrement. Ceci peut être assimilé à une coiffure des non-musulmans. D'autres savants ont dit qu'il se doit de se débarrasser de ses cheveux car ses cheveux ont poussé dans la mécréance. Et comme il se convertit à l'islam, il ouvre une nouvelle page dans sa vie. Et il doit ainsi purifier son corps et raser ses cheveux. Wartatin et circoncis-toi. Et la circoncision, selon l'avis de la majorité des savants, est recommandée, voire obligatoire. Et vous connaissez tous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Ibrahim alayhi salam s'est circoncis à quel âge? À 80 ans. Que Ibrahim alayhi salam ikhtatana wa huwa bnu 80, comme le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Concernant la circoncision, les savants disent que ce n'est pas un sujet qui doit être abordé avec une personne nouvellement convertie. Surtout avant qu'il se convertisse. Car c'est un sujet qui pourrait le le freiner, voire même lui faire rebrousser chemin. Ainsi, lorsque l'on sait que telle ou telle personne qui désire se convertir à l'islam a des réticences face à la circoncision, c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder dans l'immédiat avec lui jusqu'à ce qu'il soit ancré dans l'islam. Par la suite, ce jugement lui sera exposé, incha'Allah ta'ala. Également, le nouveau converti à l'islam se doit d'apprendre Sourate Al-Fatiha. Car Sourate Al-Fatiha, Sourate l'ouverture, est un pilier de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Point de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre. Et bien sûr, Sourate Al-Fatiha doit être appris en arabe. Ce n'est pas la traduction qu'il faut apprendre et réciter la traduction, non. La traduction, c'est la traduction, ce sont les sens approximatifs du Coran, ce n'est pas le Coran. Et celui qui n'a pas la possibilité d'apprendre de suite Sourate Al-Fatiha, il se doit de faire le tasbih, le tahmid, le tahlil, le takbir, comme cela a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on le verra par la suite lors des questions-réponses que les convertis se posent souvent. Il doit bien sûr apprendre les ablutions, car les ablutions sont une condition de la prière. Il se doit d'apprendre le jeûne du Ramadan. S'il se convertit pendant la journée du mois du Ramadan, s'il se convertit après le lever du soleil, il se doit de jeûner le reste de la journée. Et s'il se convertit avant le Fajr, il doit alors placer son attention pour jeûner ce jour ainsi que la fin du mois. Et bien sûr, les jours du Ramadan qu'il n'aura pas jeûné, car avant sa conversion, il n'aura pas à les rattraper par la suite. Celui donc qui se convertit le 16 de Ramadan, par exemple, eh bien, il continue à jeûner après sa conversion le reste du mois du Ramadan et les 14 premiers jours du Ramadan qu'il n'a pas jeûné, il n'aura pas à les rattraper. De même pour Zakat al-Fitr. S'il se convertit après le maghrib du dernier jour du Ramadan, Zakat al-Fitr n'est pas obligatoire pour lui. S'il se convertit avant le maghrib, avant l'heure du maghrib, du dernier jour du Ramadan, alors il se devra de s'acquitter de Zakat al-Fitr, qui, comme vous le savez tous, se donne en nourriture et c'est une aumône qui est exclusivement réservée aux pauvres parmi les musulmans. Également, celui qui se convertit à l'islam se doit de respecter ses engagements ou ses serments ou ses vœux qu'il aurait accomplis avant l'islam, si cela est conforme à la législation musulmane. Et la preuve de cela est le hadith de Abdullah ibn Umar. Le hadith est authentique, rapporté par Al-Bukhari, lorsque Umar radiallahu anhu a dit « Ô envoyé d'Allah, Ya Rasulallah, inni nazartu fil jahiliyati an a'takifa laylatan fil masjid al-haram. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, awfi binadhrik. » Omar radiallahu anhu a dit, ô envoyé d'Allah, j'ai fait le vœu avant ma conversion de faire une retraite spirituelle d'une nuit dans la mosquée sacrée de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mets en application ton vœu. Et le vœu, c'est le fait de s'obliger quelque chose qui à la base ne l'est pas. Et le vœu peut être conditionnel ou inconditionnel. Et lorsqu'il est conditionnel, c'est là où le professeur a dit « innama yustakhraju min al-bakhil ». Lorsqu'il est conditionné, c'est là où le professeur dit que ce vœu émane d'un avare. Lorsque tu dis par exemple « si Allah fait en sorte que je réussisse mon examen, je jeûnerai une semaine ». Tu conditionnes ton vœu à au fait qu'Allah Azza wa Jal te fasse en sorte que tu réussisses ton examen. Hada yustakhraju min al-bakhil. Ce vœu émane d'un avare. Et il y a le vœu inconditionnel. Par exemple, je fais le vœu à Allah de jeûner une semaine. Là, il devient obligatoire pour toi de jeûner une semaine. Et Allah Azza wa Jal a cité parmi les caractéristiques des croyants, yufuna bin nadhr. Ils mettent en application leur vœu. Al-Hafid ibn Hajar dit, rahimahullah, que dans ce hadith, il y a la preuve que le vœu, lorsqu'on fait le vœu de faire une adoration de quelque chose recommandé en islam, que cela doit être mis en pratique même si ce vœu a été fait avant la conversion. Et l'autre preuve, et on revient ici au hadith de Thumama, Ibn Uthal, radiallahu anhu, après sa conversion, il a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, ô envoyé d'Allah, tes cavaliers m'ont fait prisonnier alors que je me rendais pour accomplir une umrah. Que vois-tu ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé la bonne nouvelle de sa conversion et lui a ordonné d'accomplir sa umrah. Alors qu'il avait cette résolution de l'accomplir quand ? Avant sa conversion. À coup de hal, dans l'histoire de Thumama, lorsqu'il est arrivé à la Mecque, radiallahu anhu, les polythéistes ont appris sa conversion. Et ils lui ont dit « sabaut », c'est-à-dire « tu as quitté ta religion pour une autre religion ». Ils ont dit ça, bien sûr, dans le ton du dénigrement et de l'énervement. Et il leur a dit « non, mais je me suis soumis avec Muhammad, l'envoyé d'Allah ». Sallallahu alayhi wa sallam. Et Thumama ibn Uthal, lorsqu'il a vu que les polythéistes de la Mecque se comportaient ainsi vis-à-vis de lui, il les a boycottés. Car sa tribu de Banu Hanif avait la particularité d'être les rares à pouvoir fournir les Arabes, les Quraysh de la Mecque, en orge. Et il les a boycottés, radiallahu anhu, jusqu'au point où les polythéistes se sont plaints au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dû écrire à Thumama afin qu'il puisse réapprovisionner les polythéistes de la Mecque. De façon générale, celui qui se convertit à l'islam se doit tout d'abord de beaucoup remercier Allah Azza wa Jal, de faire les éloges de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, de remercier Allah Azza wa Jal pour l'avoir guidé dans cette religion authentique, pour lui avoir facilité cela. Il doit remercier Allah Azza wa Jal de l'avoir choisi parmi tous ses non-musulmans afin de le faire entrer dans sa religion, subhanahu wa ta'ala. Celui qui se convertit à l'islam doit avoir à l'esprit que cette conversion est l'un des bienfaits les plus immenses qui puissent exister. Et il doit savoir que plus il remercie Allah, subhanahu wa ta'ala, et plus Allah, azza wa jal, le comble de ses bienfaits. Il dit, subhanahu, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Et lorsque votre Seigneur proclame, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. De même que celui qui se convertit à l'islam ne doit pas rappeler la conversion à l'islam comme si c'était une faveur de sa part. Il ne doit pas attribuer son islam à sa personne, ou à sa force, ou à son intelligence, ou à autre. Mais c'est bel et bien Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a comblé de bienfaits par l'islam. Il dit Azza wa Jal, en sourate al-Hujurat, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te rappelle leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Le converti à l'islam et la convertie à l'islam se doivent d'apprendre leur religion, d'apprendre la science religieuse. Une science religieuse qui leur apprendra tout d'abord quelle est leur croyance et comment ils doivent adorer leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. D'apprendre sa religion est une obligation, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. L'apprentissage de la science est une obligation qui incombe aux musulmans. Comment apprendre la science? Pour celui qui ne maîtrise pas la langue arabe, de lire des livres traduits en la langue connue, des livres dignes de confiance, des livres des savants de la sunna. Le converti se doit également d'assister aux cours et aux conférences qu'il y a dans les mosquées, dans lesquelles les cours sont donnés par des gens de la sunna, par ceux qui se conforment au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De façon générale, le converti se doit d'apprendre ce qu'est le tawhid dans les détails. Il se doit d'apprendre ce qu'est le polythéisme, quels sont les moyens qui amènent au polythéisme. Il se doit d'apprendre également les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se doit d'apprendre la prière, ses piliers, ses conditions, ses obligations, ce qui annule la prière. Il se doit d'apprendre la zakat et les règles qui la régissent. Il se doit d'apprendre le jeûne et ses jugements. Il se doit d'apprendre le pèlerinage et les jugements qui y sont associés. Il se doit d'apprendre ce qui est interdit comme transaction et ce qui est autorisé et bien d'autres sujets importants relatifs à la législation musulmane. Et le converti et la convertie se doivent également de connaître la voie des pieux prédécesseurs, de connaître les caractéristiques du chemin droit qu'Allah Azzawajal nous ordonne d'emprunter. Et il se doit de connaître les voies égarées, non pas parce que ce sont des voies égarées, mais afin de s'en épargner et afin de s'en prémunir. Ainsi, le musulman se renseigne sur les voies égarées pour s'en prémunir et non pas pour connaître les détails de celle-ci. De connaître la voie des salafs, la voie des pieux prédécesseurs, dans la croyance, dans le comportement, dans les adorations. De connaître la voie des pieux prédécesseurs dans les relations des musulmans entre eux, la relation entre les hommes et les femmes, la relation entre les gens de la sunna eux-mêmes, comment se comporter avec les gens non musulmans, comment se comporter avec les gens de l'innovation. Et prendre garde à ne pas emprunter une voie erronée. Et Allah sait à quel point les voies erronées et les chemins égarés sont nombreux à notre époque. Et Allah sait à quel point ces chemins égarés sont exposés devant chacun et chacune d'entre nous. Et le nouveau converti à l'islam se doit d'être très vigilant sur ce sujet. Et il se doit de faire preuve de retenue, de faire preuve de vérification auprès de ceux en qui il a confiance dans leur religion et dans leur science. Nombreux sont les voies égarées. Et s'il y a bien une voie qui, à mes yeux, est celle qui égare le plus les musulmans, en tout cas en France, c'est bien le groupe des frères musulmans. Jama'atul Ikhwan al-Muslimin. Ils égarent les musulmans d'une façon impressionnante. Et lors de la dernière conférence, je vous avais donné des exemples de leur égarement. Celui qui les suit ou celui qui leur prête oreille ne prêtera plus d'attention et d'importance à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils appellent les musulmans à adopter des croyances erronées comme la croyance des Asha'ira. Ils font en sorte d'autoriser aux musulmans tout ce qui est possible à partir du moment où il y a divergence entre les savants. Pour eux, lorsqu'il y a divergence entre les savants, eh bien, tu as le droit de prendre l'avis le plus facile. L'avis qui te convient le plus, toi qui habites en France. Ainsi, ils vont vous autoriser de faire des prêts auprès de vos banques. Ils vont vous autoriser d'écouter de la musique, pas plus tard qu'hier. Un frère m'informe, et il a la vidéo, que dans une des mosquées du Nord, lors d'une cérémonie, une fête de mariage, ils ont joué du synthétiseur dans l'enceinte même de la mosquée. Un synthétiseur dans la mosquée, wal'iyadhu billah. Si vous les écoutez, la femme ne prêtera plus attention à l'importance du voile. Et lorsque elle aura l'occasion de travailler, ils lui diront, va travailler, enlève ton voile dans ton travail, et lorsque tu en sors, remets-le. Jusqu'au point où l'un d'entre eux a dit, et dit à ceux qui te mettent en garde d'enlever ton voile, de te donner le salaire que tu touches. Soit ils te donnent le salaire que tu touches, ou soit, je cite, tu les envoies bouler. Pour ne pas citer Hassan Iqusen. Les têtes des frères musulmans, wal'iyadhu billah, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'apprends que pour eux, le seul acte de mariage valide, c'est le mariage à la mairie. Et que celui qui fait entre guillemets le halal, que cela n'est pas un mariage. Et que ceux qui font le halal, et quand on parle de halal, c'est le mariage religieux, avec toutes les conditions réunies. L'accord du tuteur, la présence de témoins, al-ijab wal-qaboul, l'échange entre le prétendant et le tuteur, et le versement de la dot ou le fait de définir la dot. C'est le mariage religieux en islam qui est valide. Celui qui se marie religieusement, son mariage est valide. Sauf chez les frères musulmans. Ce mariage n'est pas valide. Et ils disent que ceux qui font le mariage religieux dans le but de se connaître jusqu'à faire le mariage civil, qu'ils sont dans le haram, wal'ayadu billah. Prenez garde, mes frères et sœurs, au groupe des frères musulmans. Par Allah, ils égarent les musulmans. Et les convertis à l'islam se doivent particulièrement de faire attention à cette secte. Également, de faire attention à la voix de ceux qui excommunient les musulmans. Et l'on voit malheureusement que beaucoup de convertis sont influencés par cette voie du takfir, par la voie des khawarij. Et beaucoup adoptent, ou certains adoptent, les idées de Daesh, du soi-disant État islamique, sur lesquelles nos savants de l'islam se sont prononcés d'une seule et même voix pour condamner ces barbares, pour condamner ces égarés qui n'hésitent pas à tuer ceux qui ne sont pas avec eux, qui n'hésitent pas à considérer mécréant celui qui n'est pas en accord avec leur idéologie. Et on les voit en Syrie, ils se tuent entre eux. Ceux qui combattent le tyran syrien, l'on voit par exemple Jabhat al-Nusra, qui est l'ennemi de Daesh. Eux, ils disent « La ilaha illallah » et les autres disent « La ilaha illallah ». Et vous voyez ceux de Daesh qui menacent d'égorger le premier de Jabhat al-Nusra qu'ils trouveront. Et les autres de faire de même « Wal'ayadu billah ». Éloignez-vous des voies égarées. Et pour s'éloigner des voies égarées, il faut apprendre sa religion. Et apprendre la voie authentique, qui est la voie des salafs, des pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala. Le converti se doit également de faire parvenir le bien qu'il connaît à son entourage, à son épouse, à ses enfants, à ses proches, à ses voisins et autres, de la meilleure des façons. Et le converti se doit de s'abstenir, de débattre avec des personnes qui ne cherchent que la polémique. Car cela peut être un danger pour le converti, de ne pas entrer dans la polémique avec ceux qui aiment la polémique, ceux qui aiment semer le doute, ceux qui aiment apporter des sujets délicats auxquels le converti ne pourra peut-être pas répondre et cela pourrait l'affaiblir dans ses convictions. Le converti se doit d'apprendre la langue arabe, qui est la langue du Coran et de la Sunna. Il se doit de se consacrer, même s'ils le font entièrement, à l'apprentissage de cette langue, jusqu'à la maîtriser. Et cela doit être l'une de ses priorités. Car l'on ne peut goûter à la douceur et à la saveur de l'islam qu'en lisant le Coran et la Sunna dans leur langue initiale et originelle. Le converti se doit de donner une importance particulière au Coran, de l'apprendre et de l'étudier. Et s'il ne lit pas encore l'arabe, de lire une traduction digne de confiance. et d'avoir le Coran ou la traduction de ses sens à ses côtés, en la lisant, en la méditant et en mettant en pratique les préceptes qui y sont contenus. Le converti se doit de faire en sorte que sa conversion soit la meilleure possible. Il doit délaisser toute forme de péché, et celui qui se convertit et qui se convertit convenablement, Allah Azza wa Jal lui pardonnera ses péchés et Allah Azza wa Jal remplacera même ses péchés par des bonnes actions. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ. Ce sont ceux à qui Allah remplacera leurs péchés par des bonnes actions. Ainsi, celui qui se convertit ne doit pas persister dans les péchés qu'il faisait avant sa conversion, comme consommer l'alcool ou faire des choses relatant de la turpitude. Il ne doit pas consommer l'argent de l'usure, il ne doit pas tricher, il ne doit pas mentir, il ne doit pas insulter, et ainsi de suite, énumère les mauvaises actions. Le converti se doit également d'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il le raffermisse dans cette religion. Il doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour le protéger de l'égarement. Il doit invoquer Allah Azza wa Jal pour le protéger de toute forme de trouble, qu'il soit apparent ou caché. Et il doit demander à Allah Azza wa Jal de le préserver, de retourner un jour dans la mécréance, wal'iyadu billah. D'autres conseils que je pourrais donner aux convertis, à ceux qui, après leur conversion, se rendent compte qu'ils sont possédés par un djinn, par exemple. Ils doivent faire attention lorsqu'ils recherchent une personne pour faire la ruqya, de ne pas se rendre chez le premier venu. Car malheureusement, beaucoup, ou un grand nombre, sont des charlatans et profitent de la naïveté des convertis, et en particulier des sœurs converties. Ils profitent de leur naïveté pour parfois abuser d'elles. Soit abuser de leur argent, ou soit, comme je l'ai appris de sources sûres, de ceux qui n'hésitent pas à faire des attouchements, wal'iyadu billah. Que ces charlatans et de la part d'Allah ce qu'il mérite. Pareil pour le mariage. Une sœur convertie doit faire attention lorsqu'elle se marie, de bien se renseigner sur la personne, ne pas se contenter de dire « On a dit sur un tel qu'il est ainsi, il connaît telle et telle sourate, il fait telle et telle chose. » Non. Elle se doit de se renseigner de façon approfondie, surtout les sœurs converties. Car les sœurs converties sont convoitées. Elles sont convoitées et malheureusement, elles ne sont pas assez assistées. Parce que leur entourage n'est pas musulman. Parce que souvent, ces sœurs converties sont dans des situations difficiles avec leur famille et souvent leur seule issue est le mariage. Ainsi pour elles, le mariage est une sorte de sauvetage. Et lorsqu'on leur lance une bouée, eh bien, elles l'attrapent à bras le corps, sans se soucier si cette bouée est trouée ou non, etc., etc. Ainsi, dans le sujet du mariage, les convertis doivent être vigilants plus que les autres et demander, faire une enquête, se renseigner de façon approfondie sur celui qui se présente à elle. Car malheureusement, l'on voit certaines personnes qui embellissent les paroles. Lorsque tu l'entends parler, tu dis « Hada Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ». Et quelques mois après, tu vois que cette sœur vit un enfer avec lui. Et je ne dis pas ça en disant que c'est quelque chose qui arrive systématiquement. Je ne dis pas ça pour viser les frères salafis, comme le font certains, en faisant une généralité que tous les barbus avec le qamis raccourci, c'est tous les mêmes. Ils viennent avec un grand sourire, mais à l'intérieur d'eux, ce sont des barbares. Non, je parle de cas qui existent et qui ont existé, de personnes qui s'amusent dans le mariage. Ils se marient avec un tel 2 semaines, puis ils divorcent et il va en chercher une autre 3 semaines et ainsi de suite. Et le procédé est le même à chaque fois. Sortir des paroles en arabe, faire des éloges, faire des promesses vides de sens, tout cela pour amadouer la pauvre femme désespérée qu'il y a devant lui et qui cherche une issue à sa situation. Ainsi, également à ces personnes, qu'Allah les punisse comme ils le méritent. Car ces femmes, les converties ou autres, qui recherchent un mari pour fonder une famille, pour adorer Allah Azzawajal, pour avancer dans leur religion, pour éduquer une descendance pieuse, lorsqu'elle est trahie par des énergumènes de cette espèce, cela fait de la peine. Et que ces personnes qui ont ces mauvaises intentions, qui prennent le mariage comme un jeu, qu'ils se rappellent qu'Allah Azzawajal est le plus fort. Qu'Allah Azzawajal est le Seigneur de l'univers. Et que celui qui porte atteinte à l'un des alliés d'Allah, Allah Azzawajal lui déclare la guerre. Man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb. Que celui qui porte atteinte à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Également, le conseil que je donne aux convertis, c'est de faire un testament au cas où il décéderait dans cette terre de mécréance. Un testament dans lequel il stipule clairement que leur religion c'est l'islam et que s'il meurt, qu'il soit enterré dans un cimetière musulman. Et ce conseil est d'autant plus dirigé aux convertis qui ne sont pas mariés. Ceux qui ont encore leurs parents non musulmans. Et s'ils sont en conflit avec leurs parents, et si Allah Azzawajal a décidé que son temps de vie se termine, il se peut que ses parents décident de ne pas prendre en considération son islam et de l'enterrer conformément à la religion chrétienne ou juive ou autre. Ainsi, le musulman se doit de se prémunir. Et il y a des actions légales que le converti peut faire pour se protéger et pour s'assurer que si il était amené à mourir, que ses funérailles se feraient conformément aux préceptes de l'islam. D'écrire un testament, et le testament doit être écrit à la main, non pas tapé à l'ordinateur ou autre, et il doit être authentifié et remis auprès d'un notaire qui enregistrera ce testament dans ce qu'ils appellent le fichier central, des dispositions de dernière minute. Et ceci sera une action que le converti aura fait. Et personne ne sait. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et aucune âme ne sait ce qu'elle fera demain, et aucune âme ne sait dans quelle terre elle va mourir. Ensuite, j'ai choisi des questions que les convertis se posent souvent. Étant donné que le temps est court, je vais, inshallah ta'ala, citer les questions et apporter les réponses brèves, sachant que chaque réponse apportée émane des savants de l'islam. Tout d'abord, la première question, est-ce qu'il est obligatoire pour qu'une conversion soit authentique et valide qu'elle soit faite devant une assemblée? La réponse est non. La conversion, c'est une chose entre la personne et son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Une personne peut se convertir dans sa chambre toute seule chez elle, en prononçant l'attestation que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Ensuite, s'il a besoin d'officialiser son islam à travers un document, une attestation ou autre, pour se rendre par exemple à la Mecque ou pour tout autre besoin, alors dans ce cas, il se rend dans la mosquée la plus proche de chez lui et proclame son islam devant des personnes qui pourront attester et lui donner son attestation manuscrite. Le changement de nom, celui qui se convertit, lui est-il obligé de changer de nom? La réponse est non. Comme le dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qu'il n'est pas obligatoire de changer de nom. Sauf si son nom signifie le serviteur d'autre qu'Allah. Lorsque son nom a une mauvaise signification, soit lorsque c'est le serviteur d'autre qu'Allah, ou lorsque le sens de son nom est mauvais. Et Cheikh Ibn Baz dit qu'il est recommandé de changer son nom étranger par, quand on dit le nom, c'est le prénom. Alors le prénom étranger par un prénom musulman. Quant à dire que cela est obligatoire, non, cela n'est pas obligatoire. Sauf pour celui, par exemple, qui s'appelle Abdul Masih, le serviteur du Christ, ou autre parmi les noms dans lesquels on comprend qu'il est l'esclave d'autre qu'Allah. Dans ce cas, c'est une obligation, et ceci à l'unanimité des savants, de changer son nom. Est-ce qu'il est obligatoire pour le musulman, le converti, de laver ses ustensiles? La réponse de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, lorsqu'il était questionné sur un réfectoire dans lequel de la nourriture est servie aux musulmans et aux non-musulmans, il dit, rahimahullah, en ce qui concerne les ustensiles, il est impératif pour les musulmans d'avoir des récipients différents de ceux qu'utilisent les non-musulmans pour leurs aliments et leurs produits alcoolisés. Et s'ils n'en trouvent pas, il incombe, et s'il parle aux cuisiniers musulmans qui servent la nourriture, de laver les ustensiles qu'emploient les non-musulmans, puis d'y servir le repas des musulmans. Et ceci, conformément au hadith authentique d'Abu Tha'lab al-Khushani, radiyallahu anhu, qui avait questionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur le fait de manger dans les récipients des polythéistes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: « Ne mangez pas dedans Et si vous ne trouvez rien d'autre, lavez-les et mangez dedans. Quel est le jugement de cacher son islam? Et là, c'est une fatwa de la Lajna Daima. Et je vous conseille de vous référer au site alifta.net. Et ceci pour les convertis et les non-convertis. Alifta.net, dans lequel des milliers de fatawas, des grands savants, sont traduites dans tous les domaines, et notamment certaines des fatwas que j'ai entre mes mains proviennent de ce site. Et souvent, l'on trouve les réponses aux questions que l'on se pose. Concernant le fait de cacher son islam, Lajna Daima répond la question d'une sœur de 18 ans qui est encore chez ses parents, dont la mère est chrétienne et sévère, et dont elle redoute la réaction si elle lui annonce sa conversion, d'autant que cette sœur est dépendante de sa mère, elle ne peut subvenir à ses besoins toute seule, etc. À Lajna Daima, le comité permanent des savants d'Arabie Saoudite a répondu, premièrement, celui qui se convertit à l'islam et cache sa conversion par crainte qu'une nuisance ne l'atteigne, devra faire ses efforts pour faire connaître à celui qu'il craint les avantages de l'islam, sans lui avouer sa conversion, et qu'il demande à Allah de le guider et d'ouvrir sa poitrine à l'islam. Il aura ainsi la récompense de sa conversion et repoussera par la même occasion la nuisance qu'il craignait pour lui-même. Si ce non-musulman, en l'occurrence ici la mère de cette sœur, ne suit pas, et si la nuisance est toujours possible de sa part, ou si le pays n'autorise pas la manifestation des rites cultuels, il est obligé d'émigrer dans un pays musulman si la personne en a la possibilité. Si elle n'arrive pas à émigrer, en étant parmi les impuissants, al-mustadrafoun, alors Allah Azza wa Jal accepte son excuse, comme le cas de ceux qu'on empêche d'émigrer, ceux qui sont faibles ou les femmes et les enfants. Puis il cite le verset de Sourate An-Nisa où Allah Azza wa Jal dit « Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant « Où étiez-vous » C'est-à-dire à propos de votre religion. « Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. » Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination !» Puis Allah Azza wa Jal fait exception, à l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon et Allah est clément et miséricordieux. Puis Lajna Daima dit « Cela signifie qu'ils sont incapables de se débrouiller ou de financer leur émigration et ne trouvent pas de voie vers un endroit d'accueil qu'ils décident de quitter s'ils décident de quitter leur pays d'origine. Deuxièmement, quand la femme n'arrive pas à se débrouiller, elle contacte les centres islamiques de son pays s'il y en a, espérant trouver ce qui l'aide et résoudre son problème. Sinon, elle n'a qu'à patienter et attendre la solution d'Allah et demander à Allah de faciliter son affaire. Et elle est récompensée en tout cela, tout en s'attachant à l'islam, à ses jugements, à ses obligations, selon sa capacité. Car Allah Azza wa Jal dit « Fattakullaha mastata'atum ». Concernant le fait de prier pour celui qui ne connaît pas la Fatiha, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, répond que si le musulman ne peut apprendre Al-Fatiha et que l'heure de la prière arrive avant qu'il n'ait le temps d'apprendre Surat Al-Fatiha, il dira alors dans sa prière Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Comme cela est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme lui a dit au envoyé d'Allah, je ne peux pas apprendre une chose du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-moi ce qui me permettra de compenser cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dis, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Et le hadith est apporté par l'imam Abu Daoud dans ses sunan. Le fait d'écrire le mushaf, le Coran, en phonétique. Quel est le jugement d'écrire le Coran en phonétique ? Car beaucoup de convertis posent la question, je ne sais pas lire l'arabe, est-ce qu'il m'est autorisé d'apprendre le Coran en utilisant le Coran en phonétique ? Écoutez la réponse de Hay'at Kibar al-Ulama, du comité des grands savants d'Arabie Saoudite, qui disent, et c'est une fatwa qui date de l'année 1399 de l'Hégire. On est en 1436. Ça fait donc 37 ans. Après avoir étudié le sujet et après avoir débattu, le comité des grands savants d'Arabie Saoudite, à l'unanimité, décide de l'interdiction d'écrire le Coran avec les lettres latines. Les lettres latines, l'alphabet A, B, C, D, E, F, etc. Ou toute autre lettre d'une autre langue. Et ceci pour les raisons suivantes. Premièrement, le Coran a été révélé en langue arabe. Une langue claire, tant dans ses lettres que dans ses sens. Allah Azza wa Jal dit, et c'est une révélation du Seigneur des mondes qu'il a avec laquelle est descendu l'esprit digne de confiance, qui est Jibril alayhi salam, sur ton cœur, afin que tu fasses partie des avertisseurs en une langue arabe manifeste et claire. Et le fait d'écrire le Coran avec les lettres latines n'est pas appelé un Coran. Car Allah Azza wa Jal dit, et c'est ainsi que nous avons révélé en toi un Coran en langue arabe. Wa kadhalika awhayna ilayka Qur'anan arabiyya. Deuxièmement, le fait que le Coran a été écrit lorsqu'il a été révélé et lorsqu'il a été réuni par Abu Bakr et par Uthman radiyallahu anhuma, il a été écrit en langue arabe. Et l'ensemble des compagnons étaient d'accord sur cela. Et les ont suivis, l'ensemble des tabi'in et de ceux qui les ont suivis jusqu'à notre époque. Alors qu'il y avait parmi eux des non-arabes. Est-ce qu'il y avait parmi les compagnons du professeur Al-Salam des non-arabes ? Oui, il y en avait beaucoup. Mais malgré cela, le Coran a été écrit qu'en langue arabe. Et le professeur a dit « Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai al-rashidin al-mahdiin min ba'di » et « Suivez ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés par après moi. » Ainsi, il est obligatoire de préserver cela, de préserver l'écriture du Coran en arabe uniquement. Ceci car c'est ce qui a été mis en pratique au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au temps des califes bien guidés, et ceci à l'unanimité des savants. La troisième raison est que les lettres des autres langues peuvent être modifiées ou changées par d'autres lettres. Et ainsi, l'on craint que si cette porte est ouverte, que les différentes façons, que la façon d'écrire le Coran par les lettres latines diffère également. Et si les différentes lectures et écritures diffèrent, eh bien, cela sèmera la confusion. Et les ennemis de l'islam trouveront alors un moyen de critiquer le Coran, comme ils ont critiqué et falsifié les livres divins précédents. Nous devons donc interdire cela pour préserver la base de l'islam et pour fermer la porte à tout mal. La quatrième raison est que si l'on autorise cela, le Coran sera alors un jeu et un amusement. Et chacun pourra retranscrire le Coran à sa guise et selon la langue qu'il souhaite. Et ceci sèmera de la divergence et de la discorde. Nous devons donc protéger le Coran de cela, pour protéger l'islam, protéger le livre d'Allah Azzawajal de toute forme de futilité. Et la cinquième raison est que le fait d'écrire le Coran en autre que la langue arabe va décourager ou freiner les musulmans, irhamukallah, dans l'apprentissage de la langue arabe. Et ainsi, ils seront loin de leur Seigneur, loin de la compréhension de leur religion. La réponse est donc claire, que les livres ou les Corans en phonétique sont interdits en islam. Il est interdit d'écrire le Coran en phonétique et il n'est pas autorisé également de lire le Coran en phonétique. Et on voit la catastrophe, le résultat catastrophique de ceux qui apprennent le Coran à l'aide de Coran en phonétique. Quant à la traduction des sens du Coran, elle est autorisée, comme le dit Cheikh Ibn Baz, car c'est un besoin et il n'y a pas de preuve en islam qui vienne interdire le fait de retranscrire les sens du Coran, de traduire les sens du Coran. Et la preuve également que cela est autorisé, et la traduction de façon générale, est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Zayd ibn Thabit d'apprendre l'hébreu afin de traduire leurs livres au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela prouve qu'il est autorisé de traduire d'une langue étrangère vers l'arabe et de l'arabe vers une langue étrangère, d'autant plus qu'il y a un besoin important à cela. Est-il autorisé de donner, d'offrir à un non-musulman une copie de la traduction du Coran? La réponse est oui, cela est autorisé. Et dans la fatwa de l'Ajna Da'ima, la question est même plus précise. Est-il autorisé d'offrir à un non-musulman une traduction du Coran dans laquelle se trouve la totalité du Coran en arabe? Et dans la question, c'est même le Coran imprimé par l'imprimerie du roi Fahd. Le Coran traduit avec la couverture rouge où on a une partie en arabe à droite et à gauche la partie en française. Et la réponse, c'est que cela est autorisé car cela a le jugement des livres de tafsir, des livres d'explication du Coran. Que la traduction est en réalité une explication, une interprétation des sens du Coran. Parmi les questions qui se posent également, quel est le jugement des enfants lorsque l'un des parents se convertit? La réponse de la Lajna Da'ima est, quant aux enfants, ils suivent le parent dont la religion est la meilleure. Si l'un des époux embrasse l'islam, on juge tous les enfants mineurs musulmans, car l'enfant petit suit le parent ayant la meilleure religion. Quel est le jugement de celle qui se convertit, de la femme qui se convertit, mais le mari, lui, ne se convertit pas? La réponse de la Lajna Da'ima est que si l'homme a embrassé l'islam et son épouse est restée mécréante. Donc là, on parle d'un homme qui se convertit, mais la femme n'est pas musulmane. Si elle fait partie des juifs ou des chrétiennes, il lui est autorisé de poursuivre avec elles. Par contre, si elle ne fait pas partie des gens du livre, il ne lui est pas permis de poursuivre avec elles. Et la parole d'Allah Azza wa Jalla est claire à ce sujet. Si c'est l'épouse qui embrasse l'islam et que son époux demeure mécréant, elle lui est illicite. Allah Azza wa Jalla dit sur le sens, « Ô vous qui avez cru, quand les croyantes viennent à vous en émigrés, éprouvez-les. Allah connaît mieux leur foi. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux non-musulmans. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux, et eux, les non-musulmans, ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Au cas où l'on l'obligerait à rester avec lui et qu'elle ne pouvait s'en séparer, ils disent qu'elle doit patienter avec lui jusqu'à ce qu'elle trouve une solution et elle n'a pas de péché en cela. » Et l'exemple, la preuve, est l'exemple des premières femmes, les femmes de la première époque de l'islam qui ont patienté, et parmi elles Zaynab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, qui après son islam est restée avec son mari Abu al-As ibn al-Rabi' avant qu'il n'embrasse l'islam. Le prophète alayhi salatu wa sallam n'a pas pu les séparer et elle a par la suite rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a quitté son époux. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la lui a rendue après qu'il ait embrassé l'islam. Et dans une autre fatwa de la Lajna Da'ima, la femme qui se convertit doit informer de sa conversion à l'islam. Elle doit informer son mari et lui dire que l'islam la rend illicite pour lui jusqu'à ce qu'il se convertisse. S'il se convertit au moment où elle observe le délai de viduité, ou au moment où elle observe le délai de viduité de 3 menstrues, elle demeure son épouse. Donc lorsqu'une femme se convertit et qu'elle se sépare de son mari, elle doit observer une période de viduité de 3 menstrues. Si il se convertit pendant cette période, eh bien, elle retourne avec lui sans avoir besoin de faire un autre contrat de mariage. S'il se convertit après l'expiration de son délai de viduité, alors il doit renouer le mariage avec elle par un nouveau mariage avec ses conditions établies, si bien sûr la femme le désire. Est-ce qu'il y a héritage entre un musulman et un non-musulman? La réponse de la Lajna, le musulman n'hérite pas du non-musulman et le non-musulman n'hérite pas du musulman. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le musulman n'hérite pas du non-musulman, ni le non-musulman du musulman. Et il cite un point important quant à l'acceptation par les enfants de confession musulmane, l'acceptation de cadeaux, de dons ou de legs testamentaires de leurs parents non-musulmans, cela est permis. Ce qui est interdit, c'est l'héritage. Par contre, si une personne se convertit à l'islam et son père non-musulman ou sa mère non-musulmane décide de lui donner, par exemple, un appartement, de lui donner une maison, de lui donner une somme d'argent, a-t-elle le droit de le prendre? La réponse est oui, car cela est un don, ce n'est pas un héritage. Pareil pour les testaments. Si son père non musulman écrit dans son testament « Je donne ma voiture à ma fille », sa fille est convertie à l'islam, il le cite dans son testament. Est-ce que le testament, c'est l'héritage? Qu'est-ce que l'héritage? L'héritage, c'est ce qui reste après avoir payé les frais des funérailles, après avoir remboursé les dettes, après avoir mis à exécution le testament. Lorsque toutes ces choses sont accomplies, ce qui reste se partage entre les héritiers. Et c'est ce qu'on appelle l'héritage. Il faut donc différencier entre al-wasiyya et al-irth. Al-wasiyya, c'est le testament. C'est pour ça que le prophète sallam a dit la wasiyata liwarith. Point de testament pour l'héritier. Tu n'as pas le droit de faire un testament à ton héritier. Pourquoi ? Car ton héritier a déjà sa part prédéfinie dans le Coran. D'accord ? Et lorsque tu donnes, lorsque tu fais un testament, tu n'as pas le droit de tester plus du tiers de ce que tu possèdes. Wa thuluthu kathir, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le tiers est déjà beaucoup. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a justifié cela en disant le fait de le laisser à tes héritiers est meilleur que d'en faire des pauvres qui seront amenés à tendre la main. Donc, le converti a le droit d'accepter les dons de son père, sa mère ou autres non-musulmans. De même que ce qui est stipulé dans le testament de son père ou de sa mère non-musulman, il lui est autorisé de le percevoir. Quant à l'héritage, cela non. Une femme qui se convertit, qui est son tuteur ? La réponse de la Lajna Da'ima, lorsque la femme n'a pas de tuteur musulman, proche ou lointain, c'est le président du centre islamique chez vous qui prendra en charge le contrat de mariage. Car il a le jugement du tuteur concernant ces personnes, concernant ces femmes converties. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « As-sultan wali man la wali ala » Le gouverneur est le tuteur de celui qui n'a pas de tuteur. Et le président du centre islamique est celui qui a un pouvoir dans sa région, car il n'y a pas de juge musulman à cet endroit. Ainsi, les responsables des centres islamiques doivent prendre leurs responsabilités. Combien de femmes sollicitent et sont à la recherche de tuteurs musulmans ? Et beaucoup se trouvent face à des refus. Et cela n'est pas correct. Les fatwas des savants sont présentes que dans un pays non musulman, lorsque la femme qui se convertit n'a pas de tuteur musulman, ce sont les responsables des centres islamiques qui se doivent de prendre leurs responsabilités. Sinon, comment cette femme va se marier ? Qui sera son tuteur ? Et le tuteur, c'est celui qui s'assurera de la légitimité et de la fiabilité de celui qui se présente à cette femme. Lorsqu'il donne son accord, il ne va pas donner son accord à une personne qu'il ne connaît pas. Et certains y vont avec cette pensée-là. Moi, on m'a demandé d'être tuteur, je suis tuteur. Je veux marier un tel, ok, je te marie un tel, c'est bon, salam alaykoum, alaykoum salam. Non, t'as marié, t'es tuteur de cette femme, de cette convertie. Tu la maries à une personne que tu ne connais pas. Ça peut être un charlatan, ça peut être de ce genre de personnes qui s'amusent avec les femmes, etc., etc. Non, il y a une responsabilité à prendre. Et le tuteur, ici, dans ce cas, prend la responsabilité du mariage. Certains pensent que le tuteur a le droit de rencontrer la femme, que la femme a le droit de se découvrir devant lui, que si elle a un problème, elle l'appelle directement, etc. Non. Le tuteur, le président du centre islamique, représente le tuteur concernant le mariage, et uniquement le mariage. Est-ce qu'il est autorisé à un musulman de rendre visite à un malade non musulman ? La réponse est oui, et le hadith que l'on a cité tout à l'heure, lorsque le prophète Hassan a rendu visite à cet enfant juif. Est-ce qu'il est autorisé à un musulman d'offrir un cadeau à un non-musulman ou de percevoir un cadeau d'un non-musulman. Ici, il y a plusieurs fatwas, et je vais vous citer la deuxième qui englobe un certain nombre de choses. C'est une fatwa de la Lajna Daima, la fatwa 11-754, où les savants de la Lajna Daima disent qu'il est permis d'offrir aux mécréants une partie du sacrifice rituel, ici c'est l'Udhiya, ou celui de la Aqiqa, du nouveau-né, et ceci afin de faire preuve de bienveillance à l'égard du voisin et de s'acquitter des droits du voisinage reconnus par l'islam. Ainsi, il est autorisé de donner de la viande de l'Udhiya, le sacrifice de l'Aïd, ou de l'Aqiqa, la bête sacrifiée lorsqu'Allah Azzawajal te fait don d'un enfant, qu'il est autorisé d'offrir une partie à tes proches non musulmans si tu es converti, ou à des voisins non musulmans si tu es converti ou non. Celui qui se convertit et qui a en sa possession de l'argent interdit, que doit-il faire? Les savants de la Lajna Daima répondent dans la fatwa 17-983: celui qui se convertit et qui a en sa possession de l'argent issu d'origine interdite, cela est sa propriété et il ne lui est pas obligatoire de s'en débarrasser, car l'islam anéantit ce qui le précède. Par contre, si ses biens sont la propriété d'autres personnes, alors il se doit de restituer les biens à leur propriétaire. Donc il faut différencier entre des biens interdits que tu as acquis par une vente d'une chose interdite, par exemple, avant ta conversion. Dans ce cas, cela t'appartient après ta conversion. Par contre, si tu as volé de l'argent à une personne, ou tu as volé un bien à une personne, ou tu l'as usurpé ou autre, eh bien, même après ta conversion, tu te dois de restituer cela à cette personne. Quel est le jugement de rentrer dans une église? La question qui a été posée à l'agenda Ima, qui a été demandée à une personne de se rendre dans une église et qu'il a refusé. Lui est-il autorisé de se rendre avec eux à l'église afin de montrer le caractère indulgent de l'islam et que c'est une religion qui réunit, afin de pouvoir par la suite appeler ces gens à l'islam? La réponse est: si le fait que tu partes avec eux à l'église est pour la seule raison de montrer le caractère indulgent de l'islam, cela n'est pas autorisé. Par contre, si tu te rends à l'église pour les appeler à l'islam et que tu ne participes pas à leurs adorations et que tu ne crains pas que leur croyance ait une influence sur toi, alors cela t'est autorisé. Conclure un mariage dans une église, et ceci peut concerner une personne convertie qui est avec une chrétienne, qui est mariée avec une chrétienne, et cette chrétienne exige par exemple que le mariage se fasse à l'église. La réponse de la Lajna Daima: il n'est pas autorisé de conclure le mariage dans une église. Le mariage souscrit suivant le rite islamique suffit. Quant à l'autre acte, il n'est pas autorisé. Une personne qui se convertit mais qui a encore des dettes. Cela rejoint la question précédente. Les droits de l'homme ne s'annulent pas, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, que s'il pardonne et y renonce. Ainsi, si tu as des dettes, soit la personne te pardonne et renonce, ou sinon tu te dois de restituer et de rembourser ta dette, même si ta dette a été conclue avant ton islam. Participer aux funérailles d'un chrétien. La réponse de la Lajna Daima: il n'est pas permis à un musulman de suivre un cortège funèbre d'un chrétien ou d'un autre non-musulman, ni d'assister à son enterrement, car Allah a interdit de s'allier avec les non-musulmans. Il dit Azza wa Jal, selon le sens, ô les croyants, Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, et ne fais jamais la prière sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et ils sont morts tout en étant pervers. Cela est la preuve que le jugement s'applique à l'ensemble des non-musulmans, tels que les juifs, les chrétiens, les mages, les idolâtres, les hypocrites. Le fait de participer à leurs funérailles fait partie de l'alliance avec eux. Féliciter les mécréants à l'occasion de leur fête. Une question posée à la Lajna Da'imah. Je vis avec ma famille qui est non-musulmane. Allah m'a fait don de l'islam et je me suis converti, walhamdulillah. Pendant la fête de rupture du jeûne et la fête du sacrifice, ma famille me présente ses vœux. Pendant leur fête, si je ne leur présente pas les vœux, ils me grondent et me traitent d'orgueilleux. Que faire ? Éclairez-moi, qu'Allah vous rétribue. C'est une question que beaucoup se posent. Eux te félicitent lorsque c'est Eid al-Fitr et Eid al-Adha, mais toi, il n'en est rien. La réponse, vous ne devez pas présenter les vœux aux non-musulmans à l'occasion de leur fête, même s'ils vous grondent et vous traitent d'orgueilleux. Toutefois, il vous est permis de les amener à aimer l'islam, de leur conseiller de se convertir avec douceur et bonne méthode. Et nous implorons Allah Azzawajal de faciliter la conversion de votre famille à l'islam. Participez aux fêtes chrétiennes. Il n'est pas permis aux musulmans ni à la musulmane d'assister aux célébrations des chrétiens ou des juifs ou autres parmi les non-musulmans. Et ceci est la fatwa de Cheikh Ibn Baz. Mais bien plus encore, il est obligatoire de les délaisser. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui imite un peuple, lui est assimilé ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait de leur ressembler, de se conduire comme eux. Il est donc du devoir du croyant de se prémunir contre cela. Et il est interdit d'y prendre part et d'aider ses participants ou d'y contribuer d'une manière quelconque, comme en offrant du thé, du café, de la vaisselle ou autre chose. Car Allah azawajal dit « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression et craignez Allah car Allah est certes dur en punition. » Quel est le jugement de posséder l'évangile? Et je terminerai par cette fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Il n'est pas permis de posséder un quelconque livre antérieur au Coran, tel que l'Évangile, la Torah ou autre, pour deux raisons. La première, toutes les choses bénéfiques qui y sont citées, Allah Azzawajal les a également mentionnées dans le Coran. Deuxièmement, il y a dans le Coran ce qui nous permet de nous dispenser de tous ces livres, puisqu'Allah Azzawajal dit « Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Ainsi, le bien que contiennent ces livres qui ont précédé le Coran se trouve dans le Coran. Quant aux propos formulés par celui qui pose la question disant qu'il désirait connaître les paroles d'Allah adressées à son messager et son serviteur Isa alayhi salam, la réponse est que s'il y a ce qu'il y a de bon pour nous à savoir se trouve dans le Coran. Il n'est donc pas nécessaire de le rechercher ailleurs. De plus, l'évangile est falsifié. La preuve de cela est qu'il se compose, sous sa forme actuelle, de quatre évangiles qui se contredisent les uns les autres. Ils ne forment pas un seul et même évangile. On ne peut par conséquent pas s'y référer. Néanmoins, l'étudiant en sciences, celui qui a la possibilité, celui qui a la connaissance qui lui permet de différencier le vrai du faux, peut les étudier afin de réfuter ce qu'ils contiennent comme chose erronée et confondre ceux qui s'en réclament. Voici les quelques conseils et quelques réponses aux questions que se posent beaucoup de convertis hommes et femmes à l'islam, en espérant que cela soit bénéfique, inshallah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.